Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcastination, les intermittents du podcast. Donc pour cette émission, nous allons faire le désormais, j'allais dire quotidiennement, C'est seulement bimensuel, seulement, ouais, bimestriel. bimestriel, merci, bimestriel, le bilan bimestriel Ça du commence bien. manga mars-avril 2013. Donc, vous les avez déjà entendus avant même que je vous les présente. Donc, je suis en compagnie de Kurita. Bonsoir, Kurita. Bonsoir, bonsoir. Et évidemment, de mon acolyte habituel, Tuntun. Bonsoir, Tuntun. Bonsoir. Magnifique introduction. Bah oui, on commence à se roder tout doucement. Très doucement. Pour commencer, donc, on va reprendre exactement le même film. Que ce qu'on avait pu faire pour l'émission des mois de janvier-février. Donc, on va commencer par une news, chacun aura une news à présenter, et ensuite on partira directement sur les mangas qu'on a pu lire. Et on débattra sur certains d'entre eux qu'on a lus en commun. Voilà, pour aller tranquillement vers des mangas que seule une personne a lu. Pour finir, voilà. Je m'en mets un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite. Alors, Kurita, tu voulais nous parler d'une nouvelle licence qui arrive tout bientôt chez Kana. Tout à fait. Alors, cette licence, c'est Assassination Classroom par Matsui Yusei, donc qu'on connaît déjà en France pour le manga Noro, le mange-mystère, chez Glénat. Donc, Assassination Classroom, ça raconte l'histoire d'un alien qui veut détruire la planète et qui, en fait, va devenir prof d'une classe à problème. Donc, déjà, le pitch de départ est assez barré. Logique. Ouais. Et en plus, il va apprendre à ses élèves à le tuer. Donc, c'est assez contre-productif, on va dire. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que ce manga, c'est un peu le nouveau succès au Japon depuis quelques mois. Faut savoir qu'en 4 tomes, ils ont déjà écoulé plus de 2 millions d'exemplaires. Oui, en effet, ouais. Donc, oui, c'est vraiment un raz-de-marée. C'est quoi? C'est complètement barré à la Keroro ou à la Oui, Gintama? c'est exactement le même délire, en fait. D'accord. C'est une comédie. Bon, je sais pas si ça a bien marché en France, parce que Oui, vu ça. qu'on sait très bien que Les les mangas comédies. comiques en France, c'est un peu. Ça Mais marche bon, pas forcément. Kana fait une bonne promotion, je trouve, pour le moment déjà. Par exemple, avant d'annoncer la licence, t'avais le personnage principal, donc l'alien qui avait pris le contrôle du site de Kana, il y avait sa Ah tronche ouais. partout. Ouais. Parce Ils mettent qu'il déjà le sort, paquet. si je dis pas de bêtises, il sort en mode septembre, ou au mois Octobre. d'octobre, octobre. Octobre. Et il y aura 2 tomes d'un coup. Ouais, donc ils annoncent bien en avance, pour bien en amont, on va dire, pour prévenir. Ce qui est cool, c'est que la série est quand même bien identifiable avec ce visage jaune là, avec le grand sourire. Et déjà, enfin, notamment, c'est un succès chez Shueisha. Ouais, Et c'est énorme. plus le fait que ça soit bien identifiable, je pense que ça assure quand même un certain succès pour Kana. Mais justement, pour finir là-dessus, la couverture, justement, c'est la première couverture, c'est une couverture toute jaune, c'est ça? C'est ça, Donc, comme le personnage, en fait. voilà, comme pour Poun Poun, quoi. Sauf que, bon, Poun Poun, Ouais. c'est en C'est pas trop le même surimpression. délire. Comment? Dis, c'est pas trop le même délire. Ah non, non, je dis pas ça. Non, mais c'est juste par rapport à la couverture, en fait. Parce que le fait que ce soit pas forcément très descriptif, à part de voir un sourire dessus, je suis pas sûr que ce soit très très vendeur, tu vois, comme d'autres mangas, je veux dire, comme à One Piece, où tu vois, t'as énormément d'informations de personnages disponibles rien que sur la couverture. Là, on est quand même sur quelque chose de très très minimaliste. Bah justement, ça attire l'œil de voir un truc comme ça, je pense. Ouais, Tu te enfin. dis, Ouais, et qu'est-ce que puis c'est que ça? je pense que Kana va faire suffisamment de pub autour Ouais, j'ai confiance en Kana, pour que franchement. les gens puissent savoir ce que c'est et l'identifier Ouais. rapidement, quoi. Très bien, donc on verra donc c'est Assassination Classroom qui sort chez Kana Ouais, en octobre. pour le mois d'octobre. Alors on va passer. Alors Tuntun, tu voulais nous parler, toi, de l'arrêt du manga numérique chez Square Enix. Oui, tout à fait. Parce que donc Square Enix a son propre site en France, sur lequel il publie les mangas de Square Enix Japon, qu'il publie numériquement. Et à partir du 23 mai, pardon, ils annoncent arrêter ce service, mais temporairement, puisqu'ils veulent, ils estiment qu'il est plus adapté aux nouvelles plateformes et aux nouveaux modes de lecture numérique. Et donc, ils précisent qu'ils reviendront rapidement avec d'autres services plus performants et Plus plus fort. fonctionnels Plus fort au que niveau jamais. numérique. Ouais. Mais voilà, non, c'est toujours dans l'optique d'aller vers le numérique. Et puis bah, c'est fait par l'éditeur japonais directement. Et ça montre qu'il y a quand même une volonté d'aller vers ça. Et Square Enix c'était un des pionniers déjà sur ce marché. Et ils vont encore continuer à prendre de l'avance vu que les autres ne se bougent pas. Il publie quoi sur cette plateforme comme le manga? Il y a du Soul Eater, il publie Ah, d'accord. FMA, il publie Jusqu'à ce que la mort vous sépare, enfin tous les gros succès Square Enix ces derniers temps. Donc en plus, par exemple, Jusqu'à ce que le monde nous sépare, c'est chez Kiyun, Fullmetal, c'est chez Kurokawa. Ouais. Donc en plus des éditions françaises, eux mettent à disposition les éditions françaises en Ouais. numérique, c'est ça? Ouais. Parce que en fait, les éditeurs français n'ont les droits que sur le papier. Ils D'accord. n'ont pas les droits sur le numérique. D'accord. Très bien. Alors moi je vais vous parler d'un petit problème de communication chez Tonkam pour changer presque j'ai envie de dire. Puisque alors c'est assez récent parce que ça date du début du mois de mai. Puisqu'on nous a annoncé des changements de prix sur trois catégories de manga vendu chez Tonkam. Donc en gros, y a en gros en moyenne, il y a 1 € d'augmentation sur les mangas vendus à 8,99 € à 7,99 € pardon, et ceux qui sont vendus à 9,35 €. Donc qui passeraient respectivement à 8,99 € et 9,99 €. Et on nous annonçait du coup que cette modification de la grille tarifaire allait être effective à partir du 1er juillet. Et donc le 1er juillet, en soi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est juste le début de la... C'est mon anniversaire. On y pensera très fort. Et c'est C'est surtout pour ça, que... faut pas qu'ils augmentent les prix à ce moment-là. Souvent, tu achètes des cadeaux avant l'anniversaire, donc c'est pas trop grave, tu vois. Et je ne sais, oui, si, c'est aussi le début de la Japan Expo. Donc beaucoup, voilà, tout de suite, beaucoup se sont dit, mais c'est pas normal, ils en profitent, etc. Sauf que, alors la news avait été envoyée à l'origine, c'était sur Manga Sanctuary. Donc il a refait aussi une news pour justement dire qu'il s'était trompé, en tout cas que l'information n'était pas bonne, puisque Tonkam a communiqué de façon officielle par rapport à ces modifications de prix en disant que les prix ne bougeront pas, qu'il s'agirait entre guillemets d'une transmission erronée en interne. Alors, bon, il y a peut-être plusieurs scénarios disponibles, ils se sont dit on augmente les prix, on n'augmente pas les prix, on va voir. On peut dire qu'il y a quelques... Ben, c'est pas la première fois que Tonkam a quelques ratés, on va dire, au niveau de la communication. Puisque il y avait eu un peu le même problème par rapport à la communication autour de l'arrêt de commercialisation de certains titres. Donc en donnant les noms des titres, mais en expliquant après coup qu'il en allait, pardon, de la survie de la maison d'édition qui a vu ses ventes diminuer grandement ces derniers temps. Donc en gros, on a eu la raison après coup, bon, même si c'est quelque chose qui tombe sous le sens s'ils arrêtent une série, c'est que le succès n'est plus au rendez-vous, parce qu'il y avait quand même des séries qui étaient assez anciennes vendues chez Tonkam. Enfin bref, bon, finalement, la bonne nouvelle, c'est que les prix n'augmentent pas chez Tonkam, puisqu'ils sont quand même assez... Ils sont quand même sur une tranche haute en comparaison de ce que peuvent proposer d'autres éditeurs sur le même type de format. Donc voilà, à noter qu'il y a quand même sur la grille, ils ont une grille tarifaire comprenant 11 tarifs différents. Donc c'est quand même déjà de base assez bordélique entre Avec des prix guillemets. assez abusifs, je trouve, Oui, parfois. ouais. Bah, ton cam, ça a toujours été réputé cher. Ouais, Bah, mais... tu prends l'exemple l'autre fois de Q&A qui était vendu près de 9 8 euros, c'est ça? euros, 8 euros. Hein. 8 euros. Donc, S'en fout. alors qu'on est sur un format qui est quand même, si je dis pas de Ah, c'était bêtises, un plus. format très petit, hein, Ouais, c'était. voilà. C'était plus petit que ce qu'ils proposent, par exemple, sur les JoJo's, quoi. Ouais, c'est légèrement plus petit. Déjà que les JoJo sont pas forcément très très Très grands. grand, ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà pour les news. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en proposant de nous dire ce que chacun a pu penser de ce qu'il a pu lire sur les mois de mars à avril. Alors, autant le dire tout de suite, il y a quand même énormément de sorties qui ont eu lieu qui ont été étalées sur ces 2 mois et même de ce qu'on a pu lire tous les trois. Donc ça permet de savoir ce que chacun a pu aimer ou pas aimer sur ces mois de mars et avril. Ah, je vous propose de commencer par le premier de la liste, le premier de ceux qu'on a pu lister avec Skate Dance Volume 3. Donc c'est édité chez Classé. Kazamanga et donc c'est Tuntun et Kurita qui ont lu ce tome-là. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé les uns les autres, hein, Kurita? Bah, c'est dans la lignée des autres, si ce n'est mieux, je trouve. C'est encore plus barré qu'avant. Il y a encore plus de persos qui sont introduits. Et d'ailleurs, ça commence par un délire où tout se passe à l'époque des ninjas et des samouraïs. Donc, c'est n'importe quoi. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle le Genesis. C'est une sorte de... On peut même pas expliquer parce que tellement les règles sont compliquées. On va dire que c'est un peu un Camoulox, mais sportif, quoi. Tellement les règles sont barrées, quoi. C'est ouais, avec en plus un personnage qui est introduit à ce moment-là qui est assez enfin, qui va bien avec le jeu en Ouais. plus. Donc ouais, mais c'est vrai que ce que j'ai bien aimé dans ce volume, c'est que bah les il y a encore de nouveaux personnages qui apparaissent. Il y a le Genesis qui est super drôle. Je crois que c'est la meilleure idée depuis le début de la série. Ouais, franchement. Et même tous les anciens personnages déjà introduits reviennent encore avec de nouvelles idées. Et je trouve qu'il y a une très bonne utilisation des personnages Ouais, c'est déjà ça. existants. C'est le casting qui s'améliore de tome en tome. Ouais. Et vu qu'ils reviennent à chaque fois, les persos, bah, il y a les interactions qui évoluent entre les nouveaux, les anciens, tout ça. Vous conseillez Tout à fait, pour ceux en tout cas pour ceux oui. qui ont profité on peut le rappeler quand même Skate Dance Kazemanga a quand même pratiqué une offre extrêmement agressive sur les 2 premiers tomes puisqu'il s'était vendu 4 euros, 4 ouais. euros par tome donc c'était plutôt une excellente opération pour qui voulait découvrir la série sachant que là Skate Dance 3 est vendu au tarif normal d'un manga Kaze quoi. Ouais, 6, oula, pardon, Ouais. 6,69. 669, d'accord. Ce Donc qui est un des prix les moins Oui, élevés du marché, c'est les c'est prix des vrai. shonen chez Kaze, quoi. C'est vrai, exact. Donc on va bah donc c'est une valeur sûre en tout cas sur ce que vous avez lu pour Tout l'instant. à fait. Et même j'imagine sur ce qui va suivre aussi. Parce qu'il me semble que tu suis la série d'assez près Kurita, donc je pense que pour la Oui, suite c'est c'est pareil, ça. mon petit chouchou depuis quelque temps. Parfait. Alors on va repartir, c'est pareil, je vais encore vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole très très souvent sur cette Mais émission. est-ce que tu lis des mangas, Romain? Alors je lis des mangas, mais des mangas qui ne sont pas sortis au mois de mars et avril. Qui date d'il y a 4 ans. C'est ça. Non, non, mais c'est vraiment plus. C'est-à-dire que j'ai fini Toon Toon pour en témoigner d'ailleurs, parce qu'il était là quand je l'ai acheté. Et j'ai complété, petit aparté, hein, j'ai complété enfin mes Vinland Saga. Ce qui est une très bonne chose. Hein. Ce qui est une très bonne chose et ce qui me fait pleurer parce que j'attends avec impatience le 12 et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on pourra le voir, le lire. D'autant que ça s'est quand même bien amélioré. Bah, ça s'est amélioré. Les tomes 9 et 10 c'était assez ronronnant dans le sens où il n'y avait C'est pas. faux. C'est faux. Ils étaient bien, mais je veux dire, ça manquait un peu du côté aventurier, du côté politique. politique politicienne, si on peut dire, de ce que pouvaient nous apporter les premiers tomes, le premier arc important de la série. Et le tome 11 commence à s'animer un peu plus que ce que nous offraient les tomes 9 et 10, donc c'est une bonne chose, mais du coup on tombe un peu on reste un peu sur notre faim parce qu'on attend la suite avec impatience. Donc c'est chez Kurokawa et c'est une excellente série, mais c'est vrai que pour le reste j'ai pas, mois de mars avril j'ai pas acheté plus que ça de manga, mais j'ai acheté des bons mangas, donc Oui, ça va. ça compense avec le reste. Alors, je vous propose, pour revenir aux sorties des mois de mars à avril, je vous propose de nous parler. Bah, d'ailleurs, je vais te laisser la parole, Tuntun, directement pour alterner par rapport à Skydance. Tu vas nous expliquer ce qui est bien ou pas bien dans Toriko volume 10, donc sorti également chez Kazemanga. Toriko, c'est bien parce que c'est de la grosse violence, mais c'est de la violence un peu rigolote. Et c'est la suite de l'arc Aicel J'aime beaucoup dans le le tome principe de la violence 10. rigolote. Ouais, bah c'est voilà. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est enfin voilà, c'est du bon gros shonen pas bas du front parce que les bastons sont réfléchis et sont vraiment très sympas à suivre. Là, il se passe encore pas mal de choses dans ce tome. C'est la continuité de l'arc Aicel, donc pour rechercher la soupe millénaire. Centenaire. Centenaire, pardon, c'est vrai. Et non, bon, on sent qu'on arrive à la fin parce qu'il y a une énorme baston qui s'engage entre Toriko et Tom Hirode. Un méchant. Oui, De voilà, c'est l'armée ça. corp. Et non, bah c'est toujours excellent. Enfin, c'est super plaisant à lire. Il se passe encore pas mal de choses. On arrive pas loin de la fin de l'arc. Et y a les personnages gentils sont toujours aussi bons. Match, et je ne sais plus comment il s'appelle. Takimaru. Oui, c'est ça. Elles sont vraiment très sympas à lire, et puis voilà, c'est du Toriko, donc il n'y a pas vraiment de surprise, mais c'est toujours super bon à lire, quoi. Je suis d'accord. Hein. Le combat final, Tommy Rod, Toriko, est d'une violence, franchement. Ouais. J'ai vraiment été surpris hein. Quand je l'ai lu. C'est, je sais pas, les mecs qui perdent des bras et tout, ils saignent de partout, ça gicle. Le tome, c'est ça pendant 192 pages, quoi. Ouais. Mais Ça c'est n'arrête rigolo jamais. aussi. Oh, oui, c'est marrant, ils font des bonnes têtes. Le concept de la violence rigolote, quoi, c'est Ouais, c'est ça, ça? c'est. D'accord. Ouais. Et puis non, mais ça, il y a le dessin qui joue aussi beaucoup Oui, voilà, parce c'est que c'est exagéré et très tout. disproportionné. Toriko, il a des muscles qui n'existent pas en Et vrai. des muscles sur les muscles. Un peu comme dans Baki, quoi. C'est un peu le même principe. Ouais, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plus un trait shonen dans Toriko que dans Baki où c'est vraiment très très spécial. C'est un mélange entre Toriko et Jojo, mais non, Toriko, ouais, au niveau du dessin, c'est pas c'est ça fait très cartoon en fait. Et donc ça passe super bien avec le thème et avec la bagarre. La bagarre. Donc ça s'annonce bien en tout cas pour la suite, ça annonce quelque chose de bien ou pour l'instant on est vraiment sur le Ah bah combat. ça annonce quelque chose de bien, oui, puisque le tome 11 c'est la fin de l'arc, il se passe encore plein de choses. Et c'est excellent, comme toujours, il y a encore plein d'idées, plein de Faut pas en nouvelles parler maintenant. nourritures. C'est sorti en Faut mai. pas en parler maintenant, ouais, mais non, la suite est excellente. Très bien. Oui, parce que le tome 11 est sorti au mois de mai, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a quelques jours. D'accord, très bien. Alors, on va partir maintenant chez Kurokawa. On va parler d'une série qui a connu une actualité quand même assez intéressante cette semaine, notamment, puisque est sortie au Japon l'adaptation au cinéma. Oui. Donc, je veux bien évidemment parler de Jésus et Bouddha. Les vacances de Jésus et Les Bouddha. vacances de Jésus, voilà, tout à fait le titre exact, donc qu'on a donc qui a vu sortir le tome 5, le volume 5, sur le mois de mars et avril. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises, une splendide couverture en vernis sélectif avec Ouais. une grande majorité de couleur violette Ouais, sur la couverture. comme d'hab, elle est vraiment super belle la couverture. Mais comme toute depuis le début. Bah, quand tu vois, comme je n'ai pas lu, mais j'ai vu la bande-annonce, je trouve impressionnant quand même le nombre de couleurs utilisées. Il y a quand même un grand spectre de couleurs utilisées, et même des couleurs qui ne vont pas forcément ensemble. Mais finalement, avec le dessin, le chara-design de l'auteur, ça passe très très bien, quoi. Donc voilà, je vous laisse disserter tous les deux Bon, il n'y a sur pas le grand volume chose à 5. dire, hein. C'est la comédie, la vie de Jésus et Bouddha tous les jours. Il n'y a pas vraiment d'histoire, donc on peut pas vraiment commenter ça, mais c'est toujours aussi fandard, quoi. Ouais, Franchement. on arrive à une sorte de rythme de croisière où on n'a plus vraiment de surprise parce Ouais. que bah y a plus vraiment de nouveaux personnages. On connaît bien les caractères de Jésus et Bouddha maintenant, donc voilà, il y a une sorte de rythme de croisière qui s'est installé, mais au niveau des blagues, au niveau des références, de toutes les choses qui faisaient le charme du titre au début de la série, bah c'est encore là et ça fait toujours du bien parce que c'est vraiment très atypique par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi. Ça se prend pas la tête, ça se lit facilement. Bref. Et d'ailleurs, l'auteur était présente au Salon du Livre Ouais. à Paris cette Exact. année. Ah Exact. bah, c'est parfait, c'est très rapide. Bah pour Bah l'instant, oui. on est vraiment sur des mangas que vous conseillez, que ce soit Skate Dance, Toriko ou Les Vacances de Jésus et Bouddha, quoi. Ça va continuer. Ça va continuer, ouais, c'est pas fini. Ouais, ce mois-ci, ouais, c'est assez. Enfin, les 2 derniers mois, il y a eu beaucoup de grosses sorties quand même. Je vais plutôt regrouper après les JoJo's. Bah, on peut les regrouper maintenant. Oui. Steel Ball Run, donc tome 2, volume 2. Donc chez Tonkam, tout comme Stardust Crusader 3 et 4. Toujours chez Tonkam. Donc alors Steel Ball Run, c'est un arc qui arrive après Stardust Crusader. D'ailleurs, ça se voit beaucoup au niveau du dessin. Ouais. Qui est beaucoup mieux fini, on va dire, beaucoup plus rond Bah, aussi, plus moderne, plus moderne surtout, ouais. Et voilà, bah, je vous laisse. Du coup, Steel Ball Run, là, ils sont partis dans le désert, c'est fait. Ouais, ils ont commencé la course. Il y a la première, en fait, dans tout le tome 2, c'est la première étape qu'on suit. Et bah, c'est super haletant. La course, elle fait, je sais plus. Fait tout le tome en fait, ouais. Ouais, elle fait tout le tome. En vrai, elle doit faire. Enfin, en vrai. Dans l'histoire, elle fait 2 km, un truc comme ça. Un peu plus. Et c'est. Mais toute la course, toute l'étape se déroule dans le tome et c'est super haletant. Il se passe plein de choses Nice. et petit à petit bah, on découvre aussi les personnages enfin qui auront de l'importance par la suite. Il y en a qui se dévoilent et il se passe vraiment plein de choses et c'est super intéressant à suivre et c'est super haletant quoi. Bah ça, en fait, ça s'arrête jamais, quoi. C'était vraiment dans le rythme de la course. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de genre de flashback en plein milieu, tout ça. Il se passe toujours un truc à chaque page. Dès que tu tournes, les mecs, ils se pètent la gueule, ils se frappent et tout. On découvre, comme t'as dit, les persos, au fur et à mesure de la course. Je sais pas toi, mais moi, j'adore, Poco Loco, franchement. Ouais, c'est le Le meilleur. gars qui a de la chance tout le temps avec, son stand, en fait. J'aime bien aussi l'Indien, je sais plus comment il Ouais, s'appelle, mais. Sandman. Ouais, Le mec qui fait Sandman. la course à pied, en fait. Tous les mecs ils sont en chevaux et lui il court. En même temps, tu dis il n'y a pas de flashback, mais finalement, le tome 1 a servi Ou à poser les bases du à truc, poser les quoi. bases, voilà. Oui, c'est ça. Donc, pareil, Steel Ball Run, on conseille sans Même si on souci. connaît pas Ah Jojo. ouais. Même si on Ouais, connaît pas non, Jojo. c'est. Même sans connaître Jojo, surtout qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de Pour lien avec les l'instant, autres. il n'y a pas de stand, il n'y a Bah, pas. t'as juste Joe, on va dire Joe qui est présent. Oui. Oui, bah il y a Jojo aussi qui est présent, Voilà. de la famille Joestar, et puis Dio aussi qui est là, et Mais puis c'est pas dans la Deppeli aussi. continuité, quoi. Mais voilà, c'est pas dans la continuité, il n'y a pas encore tout ce qui a été introduit par Stardust, avec les stands, les choses comme ça, même si. On en voit un peu les prémices, mais Ouais. c'est pas expliqué, quoi. Alors, bah, on va partir directement, retour en arrière finalement, parce que Stardust Crusader est apparu avant Steel Ball Run. Donc là, volume 3 et 4. Hein, donc, bah, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé sur ce que vous avez lu. Bah, c'est toujours aussi bon, quoi. C'est très classique quand même. Ça fait bizarre de dire ça maintenant parce que ça a posé les bases avant, mais c'est classique, quoi. C'est on Ouais. enchaîne les combats, Il y a on un découvre nouvel les, ennemi. oui, ça. On découvre les nouveaux stands, tout ça. On fait le tour du monde. Franchement, Ouais, et c'est. puis à chaque fois qu'il y a un nouvel ennemi qui apparaît, ah bah il est trop fort, Ouais. il est Faut pas trouver un adapté à nouveau tel moyen. stand et tout, faut trouver un nouveau moyen, et puis là, hop, coup de génie, telle personne de l'équipe des gentils trouve la faille, et puis voilà, c'est assez stéréotypé, c'est vrai que. Ouais. Mais Mais les pouvoirs sont originaux, donc c'est pour les ça. pouvoirs sont super originaux Pour donner un exemple, il et y a le stand en fait qui apparaît juste dans la surface réfléchissante. Du coup, on peut pas le toucher directement. Il saute de miroir en miroir, de tout ce qui brille en fait. Et ils arrivent à le battre à la fin en détournant le regard de tout le monde parce qu'il peut se projeter dans les yeux des gens en fait. C'est un peu délirant. Au début, c'est un peu dur à comprendre. Oui, c'est parce C'est que assez. avec le dessin qui est un peu Mais confus parfois. ouais, c'est vrai que. Et puis les cases, enfin, les cases sont très petites. Il y a Ouais. beaucoup de détails. Puis il y a les positions qui sont assez Ça, c'est bizarres. que t'as les poses des personnages plus les effets de Ouais. perspective Ouais. qu'il met Parfois, dans c'est un peu chaque case. chargé. Ouais, complètement, ouais. Mais les ennemis sont vraiment géniaux. Il y a des super trouvailles. J'adore Empress, Ah qui est extraordinaire. Et même les personnages, enfin les héros, Paul Naref. En oui. plus, Donc c'est il la y a cam, des. L'histoire avance quand même beaucoup, ouais. que ce soit au niveau de l'histoire générale, avec donc la recherche de Dio Brando et puis des personnages secondaires comme Paul Naref, où Ouais. ça avance pas mal aussi, et c'est vraiment super agréable à suivre. Donc affaire à suivre sur Stardust Crusader, ou en tout cas c'est bien parti pour être apprécié par beaucoup et voilà. On va passer chez Pika Edition She I Follow. Alors Oui. tome 1, il me semble que le volume 2 est sorti également, mais Ouais, il est sorti il fin est trop avril. bien. À fin avril, du coup on aurait pu Ah en parler. bah, on pouvait en Bah on peut parler. en parler. Surtout que, si je dis pas de bêtises, Pika Edition a fait quelque chose de très bien avec la sortie du manga, puisqu'ils vendent avec des cartes, si je ne dis pas de Ouais. bêtises. Parce que, en gros, Shiga Follow est basé sur un jeu de cartes qui. Calouta. Bah, je vous laisse en parler. Je vous laisse préciser tout Bah, ça. je peux y aller si tu veux. Donc, bah, je Vas-y, vais vas-y. expliquer le principe du Kaluta peut-être. En fait, c'est un jeu de cartes traditionnel japonais où ça joue à deux joueurs face à l'autre. Ils ont des cartes posées sur le terrain. Et ces cartes représentent une moitié d'un poème. Et en fait, l'arbitre déclare le poème. Il faut tout de suite trouver la carte qui correspond à la fin du dit poème. En gros, c'est une bataille de poèmes, quoi. C'est un peu ça, oui. Et ouais, mais c'est ce qu'ils expliquent dès le début, en fait. C'est que c'est beaucoup basé sur les sonorités, parce qu'il y a Ouais. quelqu'un qui récite le début du poème, et tout se joue sur les premières syllabes, C'est au réflexe, et quoi. c'est ouais, au réflexe. Et en fait, je trouve que c'est une des forces du manga, c'est cette notion de réflexe, de rapidité, qui est vraiment bien retranscrite. Et on sent pris dans le truc, quoi. Et du coup, ça fait un peu shonen sportif, les gars super Ouais, remontés qui sont prêts à agir et tout. c'est alors je sais pas, il est catégorisé dans Chojo, je pense. Ouais, c'est un jeu. Bah, parce qu'en Mais fait, la catégorie josei n'existe pas chez nous, simplement. bah pourtant Kids on Slope est sorti, c'est un Saint-José, quoi. Oui, mais ils l'ont mis en shoujo, je crois. Je suis D'accord. casé. Bah, c'est vrai qu'en plus quand tu vois Shiga Flow. C'est le dessin très typé shoujo quand même. Oui. De toute façon, il y a pas. Je suis un peu grincheux quand on met pas les josei, mais au final, c'est un peu la même chose, quoi. pas C'est vraiment de juste que je... différence. C'est juste pour les... C'est juste que C'est juste les mon... thèmes abordés, quoi. Mais pour ça... C'est... Oui, et puis c'est... les jeux c'est pour les femmes adultes, alors que Oui. les Ouais, jeux c'est pour les là si, adolescentes. en fait, ça fait moins histoire d'amour, Oui, de moins comment, cucu. on... voilà. Mais après, y a, je trouve ça mélange pas mal de choses parce qu'il y a un côté aussi shonen, justement avec, avec le jeu de cartes Ouais. et la, bah, la volonté de toujours progresser, etc. Même si c'est un peu atténué par, par le, par l'histoire d'amitié entre, entre les personnages. Mais je trouve que ouais, il y a un bon mélange des genres en fait et malgré alors moi le petit défaut que j'émettrais mais bon ça c'est moi avec les j'ai des problèmes avec avec les la charte graphique Ouais, de shoujo avec avec les très petites spécial, étoiles un quoi. peu partout Les les bulles, les fleurs fleurs, ouais. les voilà. C'est je trouve ça dommage parce que le dessin est vraiment est vraiment très très joli Ouais, il y a des et persos qui ont vraiment ouais bien dessiné. et c'est très agréable à regarder mais il y a c'est cette charte graphique qui est Ouais. pas extrêmement présente mais qui est quand même là et qui me dérange un peu mais franchement ça se laisse très très Au facilement final, t'es captivé lire par l'histoire, donc ouais c'est très ouais bien ouais écrit, je trouve, franchement. c'est très bien écrit J'aime et beaucoup les persos principaux. ouais et l'évolution assez rapide dans le temps pour l'instant enfin l'introduction qui est le tome 1 en fait et c'est très bien amené et l'évolution qu'on a ensuite aussi j'aime bien avec cette ellipse On passe au temporelle lycée après. ouais qui est voilà c'est très bien écrit c'est super joli et en plus ça fait découvrir le Karuta qui est c'est plutôt sympa et d'ailleurs une petite notion spéciale une mention spéciale pardon pour Pika qui est je trouve depuis quelques mois ils font vraiment du super boulot et encore plus là sur Chiaia Follow avec avec justement l'édition enfin l'ajout des cartes des différents poèmes en fin de volume et un manuel aussi avec avec tous les poèmes et je trouve ça vraiment pas mal en plus là, ils ont amélioré leur qualité de papier, leur ancrage. Enfin, vraiment, il y a eu un bon qualitatif ces derniers mois, qui est vraiment très agréable. Juste pour finir, le jeu, le fameux jeu de... Kaluta. Merci. Donc c'est un jeu qui est quand même, qui était extrêmement populaire au Japon, parce qu'il y avait des histoires de championnat, des choses comme ça, mais Ouais. ça s'est quelque peu atténué. Ouais. Et le succès du manga aidant, ça a permis de relancer cette mode, parce que finalement c'est un jeu assez, bah, finalement assez poétique, dans Assez l'absolu. compliqué. Assez compliqué en plus, mais c'est le genre de choses que tu verras. Je pense que tu verras peut-être difficilement dans d'autres pays, quoi, parce que c'est peut-être plus la langue qui permet Ah bah oui, de. bah ça joue sur la Ouais, c'est phonétique japonaise en fait. infaisable. Voilà, si tu sais Puis, pas, tu si tu connais les pas le traduis japonais, aussi, c'est ça pas marche faisable. plus. Donc d'où le quand même, on peut tirer notre chapeau à Piquet d'avoir proposé en plus le propre jeu Ouais. avec le manga, puisqu'il y a une vraie adaptation derrière, quoi. Tout Donc à fait. voilà, alors on va passer à Belzébub, tome 13, donc c'est chez Kazemanga, puisque que vous avez vu également tous les deux, moi ça fait un petit moment que j'ai arrêté, mais on m'a poussé à reprendre, donc je verrai pour reprendre. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé les uns les autres, hein? Je t'en prie, Tonton. C'est de la baston rigolote. non, bah, je me souviens plus trop, ça fait un moment que je l'ai lu. Mais moi aussi, en fait. Mais de ce que je me souviens, il y a, Il y a Belzébu. y a c'est plus un tome de transition Oui, en c'est fait. ça. Donc il se passe pas énormément de choses. Il y a juste une baston au début, après. Ouais, il y a de nouveaux pouvoirs en fait qui se développent. On peut en parler du pouvoir de Oga. En fait, c'est il boit le lait du bébé, en fait. Et du coup, il devient totalement fou et comme s'il y avait une fusion entre les deux. Et du coup, après, on a un chapitre où les deux ont changé de corps. Du coup, c'est n'importe Et quoi. l'idée est super convenue en fait, Oui, mais mais ça marche c'est trop bien, tellement quoi. bien fait. Et Le bébé, le caractère du bébé est génial, avec sa tendance à se foutre à poil à peu près à tout moment. Et non, ouais, c'est vrai que bah, c'est un passage un peu moins, à part la grosse baston du début, c'est un peu moins bagarre, mais. Bah justement, moi je trouve que Belzébuth c'est mieux quand c'est pas de la baston, franchement. Bah, j'aime Parce bien que les deux, faut pas que ouais, mais ça fasse trop long de baston, et oui. faut, ouais, faut que ça alterne régulièrement, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand ils se retrouvent tous ensemble Oui, voilà, avec c'est les toute la membres de bande de la classe loubards, et ouais. tout, et que ça se vanne un peu dans tous les sens, c'est super drôle. C'est pareil, ça reste un très beau manga, très drôle, toujours Très efficace. complètement décalé, oui. Voilà. Si on aime Belzébuth, on aimera ce tome 13. Parfait. Alors, on va finir sur I Am a Hero, tome Ouais. 7, donc chez Kana. Toujours à base de zombies. Tout à fait. Toujours. Toujours, oui. Toujours aussi bien. Toujours. Toujours Encore aussi bien. mieux. Toujours encore mieux Il y en plus. a. C'était énorme ce tome, je trouve. Ouais, moi je l'ai trouvé un poil en dessous de. En fait, j'aime pas trop la situation qui est actuellement. Ah ouais, c'est avec le camp de Enfin, survivants. ouais, ils sont dans un camp de survivants là, je trouve. Avant, on était vraiment. C'était très original par rapport à tout ce qu'on peut, enfin tout ce qu'on peut lire ou voir sur les zombies habituellement. Et là, ils arrivent un peu dans un, enfin dans les, pas les clichés, mais dans des situations habituelles du Ouais, genre. mais ça devait arriver, je pense, au bout d'un Mais moment. ouais, de toute façon, faut aussi en passer par là. Bah oui. Après, il arrive quand même à trouver des, enfin, il a des trouvailles graphiques et de narration qui sont géniales. Genre. Un passage où ils vont dans un centre commercial. Ils mettent des masques, genre des masques de hockey, Et du coup, c'est des toi trucs la comme première ça. personne. Et voilà, on C'était a tout en génial. vue subjective. Et c'est très très impressionnant, surtout avec le dessin d'Anazawa, qui est toujours impressionnant, quoi. Et il a toujours des trouvailles graphiques comme ça, qui même si on est même si l'histoire est un peu plus convenue ou des choses comme ça, fait que bah, ça reste quand même un manga extraordinaire pour ce genre, quoi. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le perso qui, à la base, est un peu un loser, mais on se rend compte que juste avec son fusil, il parvient à devenir quelqu'un d'important. Du coup, ça, on voit l'évolution de l'équilibre des forces et tout, tout au long du volume. Ça, c'est Ouais. plutôt pas mal, je trouve. Ça change la situation qui était fixe jusque-là dans le camp, et il peut apporter Un changement de Voilà, statu quo en c'est ça, fait voilà. et y a toujours un peu cette marotte du héros qui voilà comme tu dis qui s'est toujours pris pour un loser et qui a du mal malgré le fait que bah, tout au long de l'aventure c'est lui qui prend les initiatives et voilà il se met aussi en avant mais dans sa tête il est toujours en retrait et petit à petit il commence à prendre de l'assurance et là c'est vrai qu'on sent quand même un changement dans le ton et où il commence à se dire qu'il est un héros. Ouais, c'est ça. Il le dit d'ailleurs dans le tome. Ouais. C'est toujours aussi violent aussi et un peu dégueulasse. C'est de la violence rigolote ou de la violence Ça, sérieuse? c'est de la violence sérieuse. D'accord. Ouais, c'est pas trop rigolo. C'est pas trop Genre rigolo. le gars qui tombe du toit et qui se casse les jambes. Ouais, c'est un peu hard. C'était un peu dur à regarder ça, Un franchement. peu hard et mais il y a des trucs. Moi, j'ai un passage qui m'a fait un peu rire. C'est avec le zombie qui était Saute, qui saute en ouais, hauteur. Ah oui. qui faisait du saut en hauteur avant et en Qui se fait casse la gueule à chaque fois. on apprend. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est que l'explication du comportement des zombies, en fait, c'est qu'il est défini par ce qu'ils faisaient avant. Ouais, ils sont Et tellement donc, habitués à leur routine habituelle que voilà, et au final ça change pas. on voit par exemple un personnage qui a toujours, enfin un zombie qui a toujours la main en l'air, comme s'il tenait une barre. Et Ouais, dans le donc, en métro. fait, voilà, ils disent que c'est parce qu'ils prenaient le métro tous les jours. Et voilà, il y a le sauteur en hauteur qui saute aussi tout le temps et qui se pète la gueule. Et qui amène aussi un événement à la fin Ouais, dont on va c'est. certainement entendre parler dans l'8, mais ouais, non, il y a des très bonnes choses quand même dedans. Très bien. Alors on va passer maintenant, on va partir directement sur les deux mangas qu'on a lus tous les trois. On va pouvoir disserter un peu plus longtemps que ce qu'on a pu Tu vas faire pouvoir auparavant. parler, Romain. Oui, voilà. Oui, tout à fait, je vais pouvoir prendre la parole. Autrement que vous représentez ce que vous avez lu, c'est cool. Alors on va commencer sur Bakuman, volume 14. Alors je suis un peu mitigé en fait par rapport à ce tome-là. Aussi. Pas moi. Parce que, alors pour vous expliquer, en fait, Tuntun l'avait lu en premier, et Tuntun nous avait, bah, moi en tout cas, m'avait dit, ah, il est trop bien, Ouais, moi aussi. j'ai teasé à mort. il a teasé à mort, et Au final. ça fait pchit, quoi. Presque pchit. Alors on va expliquer, moi, je vais expliquer pourquoi quand même, parce Ouais, que vas-y, parle. on a un nouveau personnage qui arrive. Y a très, finalement, le tome 14 va vraiment se résumer, à quelques exceptions près évidemment, à la relation qu'aura ce nouveau que va avoir ce nouveau personnage, donc qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Nanamine. voilà, Nanamine Toru, et qui donc la relation qu'il aura avec Ashirogi, c'est ça, Ashirogi, Oui. merci, non, Ashirogi, c'est ça. Tu l'as lu, le tome, Non, j'ai lu, non, mais c'est-à-dire que j'ai un souci pour me rappeler des noms, c'est assez. Ah, moi c'est pareil, C'est t'inquiète terrible. pas. Surtout dans Bakuman, t'as quand même une vingtaine de personnages Pléthore de de Baou. personnages. Et alors que d'habitude, on voyait toujours les autres concurrents du Shonen Jump, d'Ashirogi, on va vraiment se focaliser sur la relation qui va vraiment évoluer entre le début du tome et la fin. Donc faut savoir que Nanamine, en fait, c'est le fameux dessinateur qui interpelle les auteurs par rapport à la maturité de l'histoire qu'il va présenter lors du concours annuel du Shonen Jump. Et il a en fait une façon bien à lui de créer des histoires Ouais. et de s'adapter à ce que va lui dire, à ce qu'on aux remarques que va lui dire son éditeur. Et finalement, son éditeur va pour lui ne bah, servir juste à valider sa présence dans le Shonen Jump. Le problème, c'est que le personnage, alors dans l'absolu, apporter ce genre de thématique, de problématique, puisqu'on On peut sort dire ce que c'est vraiment. quand même, hein, la problématique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, lui dessine, mais le scénario est décidé de façon collégiale, avec une cinquantaine Cinquantaine de de personnes. personnes, c'est ça, hein, Enfin, ça voilà. se réduit au bout d'un moment parce que. Ça se réduit parce qu'en fait, s'il y en a qui n'est pas d'accord, il le vire. Ouais. Alors, moi, ce que je faisais un peu le rapprochement, parce que j'écris une critique par rapport à ça, quand je faisais le rapprochement, je faisais pardon, le rapprochement avec ce qui s'est passé pendant la crise financière par rapport à ce qu'on disait, c'est-à-dire par rapport aux banques. Donc, on disait privatiser les profits et socialiser les pertes. En gros, il n'y a que lui qui va récupérer les bénéfices du travail des autres, finalement. Alors que bah, dès que ça n'ira pas, bah, il pourra virer comme il voudra les personnes qui ne vont pas être d'accord avec lui. Alors, l'intérêt que je trouve vraiment à ce tome 14, c'est le retour d'un personnage Ouais. qu'on avait perdu de vue Le parce que gros c'est. porc. Pardon? Le gros porc. C'est ça. Oui, si on peut dire ça comme ça, oui. Qui a encore pris un peu de Parce poids. que. Ah oui. Finalement, lui, la force qu'il avait, c'est les corps, hein. C'est les arrière-plans qu'il dessine à la perfection. Et chose que Nanamine ne maîtrise pas du, bah, ne maîtrise pas du tout. Attention, son dessin reste quand même très bien, mais on le voit par rapport à un escalier qui va pas être droit, à une perspective qui va être faussée. Donc du coup, il va faire appel à ce fameux personnage que l'on. J'ai Entre autres oublié le parce nom. que. Oui, Entre autres j'ai le parce manga qu'il sous les y a quand yeux. même beaucoup de. Il y a beaucoup d'autres. Enfin, il engage aussi beaucoup de monde, Ouais, beaucoup ouais. d'assistants, etc. C'est Nakai. Ouais, Nakaiva. Voilà. Oui, c'est pareil. Alors, il part un peu. Moi, j'ai fait un peu le rapprochement avec Death Note, donc un manga, donc le manga Aïe, précédent. quand tout le monde avait enfin le groupe de gros bonnet avait le Death Note là. Alors, c'est même pas. Moi, j'ai même pas lu cette partie-là parce que je me suis arrêté Ah, au premier ok. arc. Moi, ça m'a rappelé ça en fait, Je c'est pour pense ça. plus en fait au côté. Alors, c'est pareil, je me souviens plus du nom du héros. Mais ce héros, Light. le héros Raiko. qui maîtrise tout, tu sais, Mais Light. voilà, tout à fait, qui maîtrise tout du début à la fin, voilà, qui est sûr de lui et tout, qui est sûr de tout ce qu'il va faire, qui va prendre 3 coups d'avance sur ses adversaires. 100 coups d'avance même parfois. Oui, voilà. Et ben, je trouve que d'une certaine façon. C'est un peu, il s'est entre guillemets réincarné dans Nanamine, mais pour mieux le faucher derrière, parce que finalement, Nanamine, il va pas avoir beaucoup de réparties, beaucoup d'autres solutions de rechange que son plan initial. Il va pas savoir s'adapter à la situation. Et c'est un peu ce que je trouve dommage avec ce tome-là, c'est que ce personnage aurait pu être tellement plus intéressant que simplement manichéen comme il est. Ouais, je trouve que c'est juste un méchant, quoi, là. Oui, voilà, Mais du coup, exactement. c'est le méchant qui apparaît, il faut le battre. Voilà, et puis Ouais, en plus, il a aucune, j'ai envie de dire, il a rien de positif dans son approche. ouais. Alors, il a le côté au début où il est très jovial, où il fait genre, je découvre quelque chose, je découvre la rédaction, je découvre comment ça se passe, Il joue un double jeu, quoi. l'envers du décor, Ouais, mais... exactement. Sauf qu'il en surjoue et du coup son éditeur, qui est un nouveau personnage également, Kozugi, pardon, voilà, qui lui découvre le métier, se retrouve un peu avec cette épine dans le pied, alors qu'il veut lui apporter son aide, sauf que Nanamine est tellement sûr de lui que pour lui, il a forcément la formule qui marche, l'unique formule qui va fonctionner. Et qu'il n'y a pas d'autre alternative à ça, et ça n'ira pas plus loin. Voilà, il aura pas de plan de secours par rapport à ça, quoi. Et on le voit d'ailleurs très bien tout au long de l'avancement du tome, c'est-à-dire que à force d'être sûr des résultats qu'il aura, il est complètement désarçonné par rapport à la perte de vitesse de son histoire, et surtout le fait qu'il y a une rédaction de 50 personnes derrière, comme il le disent très bien, en fait, il veut absolument mettre toutes les idées qui passent dans le briefing, et forcément, ça coince parce que ça apporte une partie trop confuse à l'histoire, et forcément, les lecteurs vont pas accrocher, vont accrocher au début parce que l'histoire commence bien, mais derrière, ça va devenir trop confus pour être vraiment intéressant. Voilà. Je me rends compte quand même qu'on a spoilé à mort le tome plus tard. Faudra qu'on le mette dans Ouais, on l'article. va le mettre, ouais. Mais Attention, ouais. si, est-ce que moi, est-ce que je peux ré réagir ou pas? Tout Tout à à fait, fait. tout à fait. C'est gentil. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, même si moi j'ai une vision un peu moins négative sur le fait notamment que ça soit un méchant et juste un méchant. Ouais, mais du coup ça fait du bien, je trouve, parce que jusqu'à maintenant on n'en a jamais eu. Tous les rivaux qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était des gentils. C'était un truc un peu sain, un peu panier, mais bon, voilà, il n'y a pas de réelle menace, il n'y a pas de méchant à proprement parler. Et là, c'est vraiment ce que ça apporte. Et même si c'est vrai que c'est dommage que ça dure pas plus longtemps, parce qu'on se rend très vite compte que son système, Mais ça se finit dans le tome en fait. son système, il tombe à l'eau au bout de deux Ouais, chapitres c'est et morné quoi. on voit la fin arriver. Mais je trouve en plus de ça, il y a beaucoup de sous-textes qui sont relativement importants, notamment sur le fait que Internet et tout le numérique menacent de plus en plus les éditeurs japonais qui sont totalement en crise. Et justement, on voit une critique vraiment à sens unique, on va dire, entre sur justement ce qu'apporte ce que peut apporter le numérique, Internet et le 2.0 comme on appelle avec toute cette participation et etc. Et je trouve il y a une critique intéressante dessus, même si voilà, c'est qu'un point de vue. Il y a ça, il y a ce qu'on peut voir aussi, c'est que la pression sur les éditeurs, notamment avec le nouvel éditeur Kozugi, elle est presque aussi forte que pour les auteurs. C'est-à-dire que bah, un nouvel éditeur qui vient d'arriver, s'il fait pas ses preuves rapidement, il est dégagé bah, comme un auteur peut l'être. Et du coup, il faut qu'il y ait une vraie synergie entre les deux parties, quoi. Et on voit que finalement, l'éditeur, même s'il n'est pas d'accord avec ce que fait Minami, bah, il suit parce qu'il y a une pression très élevée sur lui. Et s'il tient son boulot, il est presque. Enfin, après, on se rend compte que non, mais il est sur le coup, il est presque obligé de le suivre, quoi. Et voilà, je trouve qu'il y a, il y a pas mal, il y a pas mal de sous-textes comme ça. Il y a aussi le fait que, et ça a rien à, enfin, si ça, c'est une conséquence du coup de l'arrivée de Minami, mais Nanaminé. Ashirogi, Nanami, pardon. Miné. Et du coup, Ashirogi, il réfléchit aussi à, on le voit, il réfléchit à un nouveau style encore de séries, ils sont encore en pleine évolution à chercher de nouvelles idées, etc. Et en fait, on voit que ça s'inscrit dans le manga en lui-même, avec aussi une évolution dans la manière de raconter l'histoire et dans les thèmes abordés. Et donc, il y a une espèce de double, enfin, une double lecture comme ça de ce que fait. De ce que fait le duo de héros et ce qui et la façon dont est conçu le manga lui-même l'œuvre qu'on lit voilà je trouve il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dans ce tome. Il y a aussi Hiramaru qui est toujours plus drôle avec ses running C'est la gags caution comique du manga en fait. ouais et qui vient alléger un peu le tout et qui fait du bien aussi parce que c'est vrai que au bout d'un moment, bah, vu qu'on a vu arriver la fin de l'histoire rapidement, ça fait du bien aussi d'avoir une sorte de petite coupure avec Ouais, ça Hiramaru. détend l'atmosphère un peu Ouais. trop sérieuse Ah oui, parfois. complètement. Mais tu vois, je juste envie de rebondir sur ce que tu as dit, pardon, sur le fait que il y a un méchant qui arrive. Bah, c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un vrai personnage. Bah, qui est dans l'absolu, qui est pas contre eux, mais qui est Oui, contre, on va dire, mais une certaine manière de le leur système. vie. Là, qui les menace réellement, parce qu'au Oui. début, on voit quand même qu'il leur fait pas mal de mal, enfin pas mal de tort, et qui, voilà, il y a quand même une vraie menace au début. Mais tu vois, eux, par contre, même s'ils réagissent, on les voit réagir, ils sont pas via les réunions qu'ils ont avec leur éditeur. Finalement, ils changent pas énormément de choses à leur manga, tu vois. Eux, ils restent Dans leur manga actuel, mais dans les idées qu'ils cherchent pour la suite, Oui. ça les amène à une réflexion nouvelle et qui change aussi le manga, je trouve, et justement avec l'apport de ce méchant. Mais juste pour finir, bah, finalement, tome 14 est un peu. C'est la transition. C'est vraiment une transition parce qu'il y a plein de personnages qu'on n'a pas bah, qu'on n'a pas vu. Alors, je parlais tout à l'heure Donc on entreaperçoit. des oui voilà des autres rédacteurs, des autres dessinateurs qui font partie du Weekly Shonen Jump. On peut penser aussi à Keiya qu'on voit donc très rapidement donc la femme de Takagi. Pareil Azuki Miyoshi pardon excusez-moi. Azuki, on Trop de noms, entend trop de noms. la future femme de Mashiro. On la voit pas du tout, On même, la je voit pas crois. du tout, On non. ne Ou la très voit pas peu. du tout, ouais. Ouais. Alors que. Faut pas oublier quand même qu'on est sur une série qui est prévue en 20 tomes. La série est terminée en Ouais. 20 tomes. Alors ça va certainement s'accélérer dans le prochain et pour la suite, Bon, c'est vrai que la thématique, la problématique est intéressante. Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas de cette façon? Donc on voit très vite les limites de cette façon de procéder. Après, on peut voir aussi, moi je me faisais la réflexion, on peut voir aussi ces 50 rédacteurs comme des assistants supplémentaires aux assistants que peuvent avoir les mangakas au dessin, quoi. Sauf que là, ce sont plus des assistants au scénario. Ouais, mais je pense que c'est aussi pas une critique, mais une petite pique vers beaucoup de fans qui, Qui je pensent mieux pense, faire que qui, les autres, voilà, que les auteurs eux-mêmes. à mon avis, qui doivent donner beaucoup de, qui doivent envoyer des courriers avec des idées, des trucs comme ça, Oui, c'est ça. et qui montrent que ça montre que bah, justement ne c'est pas forcément bon d'aller dans le sens que les gens veulent et essayer d'intégrer tout ce qui peut plaire à tout le monde en fait. Exactement, donc ça reste quand même Ça reste une bon, hein, ça mais reste bon, ouais. Il y a toujours autant c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'il y a toujours autant d'informations à pêcher, il y a énormément de lectures, de dialogues. Ça reste très ancré aussi dans le réel, puisqu'on fait référence à du One Piece, à plein de à du ben, on voit une, par exemple, à un moment ils ouvrent Kamen un, Rider et tout. oui tout à fait, Hey. ils ouvrent aussi un Shonen Jump, et en couverture t'as Toriko. Hey. Donc c'est vraiment ancré dans le présent, et c'est vraiment toujours très très agréable à lire. Donc voilà, le tome 14 est un peu une déception en Bah soi, ça, on mais est mitigé parce que voilà, on est pour vous. mitigé, mais Oui, parce oui. qu'on Parce est que peut-être Shikao, il a aussi. aimé aussi, hein. Donc on est à deux contre deux. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont placé quand même la barre tellement haut que bon, il Ouais, j'ai peur que a. ça perde un peu de Bah, punch par la suite. c'est vrai que là j'attends quand même vraiment de voir la suite Ouais. parce que là avec les changements qu'il y a eu dans ce tome et je sais pas comment ils vont amener les choses comment ils vont enchaîner en fait parce que là J'espère que ça va on pas faire Death Note partie 2 où ça part un peu en bah, sucette. j'espère aussi mais J'avoue que je vais enfin lâcher moi moi, je je vais reste commencer à confiant. lire. Moi j'ai tout lu. Ah ouais. J'ai commencé à lire et ça m'est tombé complètement des mains quoi. J'ai bien aimé la partie 2, mais c'était clairement en dessous de. C'est beaucoup moins bien. Ça restait agréable. Bof. Voilà, donc Bref. Bakuman 14 disponible chez Kana. Deuxième manga qu'on a lu tous les trois. Je pense qu'on a apprécié tous les trois. Oui. Oui. Oui. C'est Silver Spoon tome 2. Donc chez Kurokawa, donc dessiné par Hiromu Aragawa. La mangaka que l'on connaît notamment pour son travail sur Full Metal Alchemist et Hero Tales plus récemment. Bah, je vais peut-être vous laisser un peu la parole parce que j'ai quand même monopolisé. Ouais, t'as parlé qu'une fois, Ouais, c'est vrai. hein. Alors j'aimerais déjà dire, c'est rare que ça m'arrive, mais c'est la première fois que je relis un tome juste après l'avoir lu. En tout cas, la première partie, parce Tu que t'es endormi? Non, pas du tout. Non, mais vraiment, j'ai adoré la première partie. Tout ce qui. Alors, il y aura aussi des spoilers, je pense beaucoup sur Silver Spoon, donc faites attention. On vous préviendra sur le poste de l'émission. J'ai adoré la partie sur la pizza, Oui, vraiment. c'est énorme. Le côté do it yourself, c'est juste génial. Surtout que tu es dans un environnement qui fait que tu peux avoir tous les ingrédients sans avoir à dépenser de l'argent. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que j'ai T'as tout de tout le monde qui suite. participe, en Exactement. fonction de leur champ de spécialité, ils participent à la création de la pizza et tout. Exactement, C'était genre bien. bah, t'as un ingénieur qui va réparer le four. Ouais. T'as les légumes qui vont arriver, le blé aussi qui va être là, le blé qui vient de la saison dernière, le bois, vraiment tout est fait pour montrer qu'il y a une vraie cohésion, une vraie complémentarité entre les différentes personnes que l'on voit dans le manga, qui ont tout un corps de métier différent et finalement qui s'accordent parfaitement pour arriver au résultat final. Non, mais ce qui est énorme aussi, c'est le côté. Il paraît qu'il y a une légende qui dit que si au bout d'une demi-heure, t'as pas reçu ta pizza, ben, t'es remboursé. Oh, Ah oui. c'est énorme, tu vois, ce genre de côté, de côté où la campagne envie la ville pour certains, pour certaines choses spécifiques. Donc voilà, c'est très drôle là-dessus. Ce qui est intéressant aussi derrière dans le tome, c'est que ça nous permet. C'est un peu pareil que pour Bakuman. C'est-à-dire qu'on a énormément d'informations. Moins quand même, hein, je trouve. C'est Ouais, plus léger à lire. mais en tout cas, ça ouvre des pistes pour s'intéresser, Oui. pour aller plus loin, Oui. pour aller chercher les informations nous-mêmes, quoi. Et bah, notamment quand on voit les différences. Entre la coopérative qui est énorme, qui est gigantesque en termes de. Il doit y avoir 800 têtes, 800 vaches présentes dedans. Donc c'est la coopérative Tamako. de voilà, Tamako, donc les parents de Hinata Tamako, une des collègues de classe de Hugo. Et quand tu compares avec la ferme des Ichiro, ça n'a aucune comparaison possible. C'est-à-dire que ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Ouais, t'as deux approches agriculture Exactement. moderne, quoi. C'est-à-dire que la coopérative Tamako, on va plus être sur une famille de gestionnaires, alors que la ferme de l'Ichiro, ben, tu vois, par C'est exemple. traditionnel. Exactement, il y aura vraiment un affect qui va être beaucoup plus important, ben notamment par rapport au fait qu'il t'explique qu'il y a une vache qui est plus vieille que les autres, mais il la garde parce que même si elle n'est plus aussi productive qu'avant, ben elle a une place quand même importante Alors pour. que chez Tamako, dès que t'es plus productif, bah on te coupe la tête, quoi. C'est ça, oui, tout à fait. C'est l'usine. Mais exactement, parce que d'ailleurs, on le voit, parce qu'il présente quand il y a la visite. Quand ils visitent la coopérative, ils expliquent un peu comment ça fonctionne, notamment par rapport au matériel, par rapport au Ouais. nombre de vaches sur l'appareil. Donc il y a vraiment le côté, comme tu dis, le côté usine où on va être vraiment à la chaîne. Bah, les vaches vont faire ça, ensuite il y a vraiment un programme spécifique à respecter. Donc voilà, non, c'est vraiment. Moi c'est une. C'était déjà une bonne sur Le premier tome était une bonne surprise, une Là, très c'est bonne encore mieux, je surprise trouve. même, ouais. Là, Je l'ai c'est. trouvé beaucoup mieux aussi. Bah, t'as le côté, voilà, où on vit vraiment au quotidien, donc au lycée évidemment, mais aussi pendant les vacances, parce que on arrive au moment où les vacances d'été arrivent. Ouais, ça se passe pendant les vacances, en fait, tout le Voilà. tome. Et Hugo, en fait, part travailler chez la famille d'Aki. Ouais. Et donc il découvre un peu le travail, on va dire, dans une petite exploitation, le fait que tout le monde se connaisse, qu'il y a une bah, là c'est pareil, l'entraide est primordiale pour pouvoir réussir à vivre de son travail. Il y a, on va dire, le côté romance qui est effleuré très très rapidement, mais Ouais, bah tant mieux. oui, tout à fait, ouais. Mais qui est vite contrebalancé Ouais. à chaque fois par un animal, soit c'est un ours, soit c'est un. Non, pas un ours, il y a. Si, il y a un ours, je crois. Non. Oui, il y a un ours. Hein. Il y a un ours, Une biche. il y a une biche. D'ailleurs, la biche, c'est une étape importante dans la vie d'Hugo parce qu'il doit la La dépecer. dépecer, ouais, tout à fait. Ça le fait grandir un peu. Mais il se dit, voilà, je suis obligé. Ouais. Même pour Côtelette, le petit cochon Côtelette qui sera obligé de manger un jour. Puisque c'est trop bon, quand même. Mais comment peut-on faire des animaux si bons? Cette réflexion est magnifique. On voit aussi une vache velée, c'est-à-dire une vache maître bas. Ah oui, ça c'était ouf. Ils C'est comme doivent ça, c'est comme ça, tirer. mon petit bonhomme. Oui, je sais, mais même. Les vaches ne naissent pas dans des choux ou dans des fleurs. Hein. Je sais, je C'est sais. des cigognes qui les ramènent. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Non, mais après, on peut revenir vite fait sur le dessin. C'est du Arakawa tout craché, c'est-à-dire qu'on retrouve des designs proches de ce qu'on pouvait trouver dans Full Metal Alchemist. C'est propre. C'est propre, oui, voilà. C'est très clair. Il y a des décors, les décors sont bien détaillés. Et elle dessine super bien les animaux. Oui, bah exactement. Notamment, je me faisais réflexion par rapport aux chevaux. Ouais. Il y a une vraie. Mais après, c'est pareil pour les vaches. Plus les chevaux, quand même, ils ont une bonne tête. Ouais, puis il y a une vraie. Bah, la corpulence est totalement respectée, quoi. Ouais. Faut pas oublier de dire que, quand même, Hiromu Arakawa, en fait, elle est arrivée à Tokyo à 26 ans, donc pour devenir mangaka, mais avant cela, elle travaillait dans la laiterie familiale. Donc, ce qui explique que ce qu'elle écrit dedans, que ce qu'elle dessine dans Silver Spoon, c'est du véridique. En tout cas, ce sont soit des expériences qu'elle a elle-même vécues, soit des choses qu'elle a pu entendre ou qu'elle a pu voir de ses propres yeux, quoi. Donc, il y a une vraie véracité dans les propos et dans le dessin qu'elle a, dans les Une situations qu'elle vraie met en scène. véracité. Une vraie véracité, ouais, excuse-moi, il est 23 h 20, je suis impardonnable C'est pas là-dessus. professionnel tout ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais sommes-nous professionnels, je ne pense pas non plus. Non, moi. Tout à Et fait. moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur le Silver Spoon 2. Il y a juste un truc qui m'a un peu dérangé, enfin que j'ai pas compris finalement. C'est Hugo qui essaye d'appeler ses parents, en fait. Et je comprends pas trop pourquoi maintenant et pas avant, alors qu'il a esqui enfin il l'a esquivé jusqu'à Et maintenant. pourquoi il n'utilise pas le poste fixe? Ouais, donc ouais, je comprends pas trop, Tu mais l'envoies un bon. SMS. C'est ça en plus, hein. C'est ça, oui, bah, sauf qu'il veut partir à la ferme voisine qui est à 7 km alors qu'il ne le sait Allez. pas. Mais du coup, ouais, ça donne des bonnes situations. Oui, tout à fait, ouais. Bah, ça permet de. Bah, par exemple, il y a un personnage qui est quand même extrêmement froid. Bah, c'est Ichiro. Qui, en tout cas, de premier abord, dans le tome 1, était quand même extrêmement froid. Et finalement, puisque, en fait, la ferme des parents d'Ichiro est voisine, en fait, voisine entre guillemets, évidemment, de la ferme des parents d'Aki. Parce que, quand je dis entre guillemets, c'est 7-8 km. Donc, c'est Ouais, pour ça c'est que ça. lui, il veut absolument envoyer son texto, et il se retrouve, en fait, perdu Dans la au forêt. cœur de la forêt. Plein cœur de la campagne, et il se fait récupérer par Ichiro. Et il va comprendre, voilà, le fait qu'il y a quand même une pression importante, parce qu'il veut réussir, il veut devenir aussi joueur professionnel de baseball. Et il a quand même une pression importante sur ses épaules. Donc, il y a aussi, ça explique aussi le côté froid qu'on a pu déceler dans le premier tome, mais qui s'explique totalement sur celui-ci, quoi. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus, sur Silver Spoon Non, 2? c'était Non. très bien, voilà. Moi, j'ai encore monopolisé la parole, je pense que j'ai contrebalancé complètement le début de l'émission, donc c'est cool. Faut que tu bosses un peu, hein. Ouais, j'avoue, ouais. Donc on va partir maintenant sur les mangas que une seule personne a lu, donc il faudra la croire sur parole. Ça va aller vite, hein. Ça lui, ça. Finalement, il y a que Tuntun avait un a eu un comment dire un budget manga énorme sur mars-avril. J'ai arrêté de manger. J'ai acheté plein de mangas, mais pas de mars-avril aussi, donc C'est ça. Oui, voilà. Ouais. Enfin, moi, c'est pareil, mais c'est il y a 4 ans, donc encore pire. c'est encore autre chose. Alors, par contre, j'ai envie de commencer directement avec. C'est pas directement un manga, mais c'est chez Kaze Manga. C'est Pepita d'Inoue. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu le Pyramide, principe. Pépita de pyramide. Kuroten ne peut pas comprendre cette blague, Non, j'ai rien compris. il m'était absolument pané. Parce que non, mais. Pépita, est-ce que tu vois, c'était un jeu qui s'appelait Pyramide sur France 2, Ah bah France 2. oui, je connais, oui, Et je parle. Pépita, Pépita, elle amenait les cadeaux à la fin. voilà. Ah, je me souviens pas de son nom, ok. Je croyais que tu n'étais pas né à cette époque, excuse-moi. Bah quand même. Donc, je pense qu'on fera une émission spéciale jeu télévisé Ouais. pour Kurita, pour sa culture. Donc tu vas nous parler donc de Pépita d'Inoue, qui est une expérience assez spéciale d'après ce que tu m'as expliqué il y a quelques jours de cela. Alors j'aimerais que tu nous expliques un peu plus en détail ce qu'il en est. Donc Pépita, c'est une sorte de d'artbook, carnet de voyage. C'est un grand format, enfin format A4, édité chez Kazemanga, et c'est fait par Takehiko Inoue. Et c'est précisé sur la couverture sur les traces d'Antoni Gaudí, qui est un grand architecte espagnol. Et en fait, c'est un voyage que qu'Inoue a fait pendant sa pause de 2 ans en 2000. Enfin, il l'a fait en 2011, le voyage. Et en fait, il a fait beaucoup de vidéos, de croquis, il a fait beaucoup de choses en fait où sur son voyage où il donc justement il suit les traces de Gaudi. Donc c'est sur ces différentes constructions et son ses différents passages à Barcelone, dans sa ville natale, etc. Et en fait, voilà, c'est le carnet de voyage. Un petit peu, alors, ce qu'on pouvait s'attendre, c'était beaucoup de sketchs, beaucoup de croquis, etc. d'Inoue. Et en fait, il y en a vraiment peu. Et du coup, faut vraiment que les, enfin, faut les, que les gens se mettent en tête que c'est avant tout une espèce de vision de d'Inoue sur Gaudi, et pas du tout un recueil de croquis, un artbook ou quelque chose comme ça. Donc au final, il y a beaucoup de textes, beaucoup de photos et assez peu de dessins. Après, pour ceux que ça, enfin, pour ceux qui sont un minimum intéressés par l'architecture ou qui pourraient l'être justement par Gaudi, c'est vraiment très intéressant avec beaucoup de. En fait, on voit un peu comment dire, la vision d'un néophyte, parce que Inoue, au final, n'est pas vraiment connaisseur de ça. Il est juste tombé amoureux des réalisations de l'architecte. Et on le suit découvrir un peu sa vie et toute cette relation qu'il a avec l'artisanat et tout ça. Et donc en fait, on a l'avis d'Inoue là-dessus, souvent par écrit, avec beaucoup de photos légendées et quelques informations sur les différentes personnes qu'il a rencontrées au cours de son voyage. Et donc voilà, c'est faut vraiment pas s'attendre à un artbook. Même si il y a des dessins dedans qui sont vraiment très très jolis, notamment la couverture qui est superbe. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant. En plus, il y a alors un petit point que j'ai pas spécial, enfin que j'aurais préféré autrement, c'est le papier, qui est un papier brillant glacé, qui est. Ça rend plutôt joli, mais avec les doigts dessus et tout, je trouve ça gâche un peu la chose. Mais sinon, c'est vraiment très sympa avec beaucoup d'infos intéressantes sur Gaudi, des dessins, enfin des, j'ai trouvé beaucoup de, il y a beaucoup de photos avec où Inoue a dessiné par-dessus et ça donne un super rendu. Il y a un DVD avec qui fait 1 heure 1 heure et quart à peu près. J'ai pas encore commencé à le regarder. Il y a un doc de 42 minutes sur son voyage. Il y a comment dessiner des fleurs sur un iPad, des choses comme ça. C'est je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être sympa. Et il y a aussi 5 ex-libris qui sont super jolis, dont notamment la couverture. Et voilà, donc c'est vraiment pour les fans d'Inoue ou pour ceux qui ont envie de découvrir un architecte de renommée mondiale et avec une touche très atypique. Et voilà, pour en apprendre aussi un peu plus sur Inoue, parce qu'il livre aussi des impressions, des réflexions un peu philosophiques sur sa façon de dessiner, sur l'artisanat, sur le travail manuel et plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est un truc un peu hybride, Voilà, faut pas s'attendre à un artbook. Je le répète parce que c'est important, j'en ai vu qui se sont fait avoir. Et enfin, qui se sont fait avoir, hein. Disons que voilà, c'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient et ils ont été déçus. Donc, limite, faut le feuilleter avant, même si c'est pas facile parce qu'il est sous blister. Mais s'il y en a en expo, faut le feuilleter avant parce que ça peut être très déroutant, mais quand on accroche, et ben, c'est vraiment très très intéressant. Très bien, donc c'est chez Kazemanga, c'est vendu je crois auprès de 30 euros, hein, si je dis pas de bêtises, avec le DVD. Ah, quand Tout à même. fait. Ah, il y a un DVD, ok. Il y a un DVD, ouais, enfin, c'est pas ça qui fait le. Le charme, Enfin, l'intérêt du livre. disons que ça fait un truc assez complet avec les 5 ex-libris, le DVD et puis le bouquin qui doit faire une centaine de pages. Oh, ça va Très, alors. ouais. Bah, on va alterner du coup, je vais te laisser Kurita nous parler de Kamakura Diary tome 1, donc Oui. c'est chez Kana. Donc une nouvelle série chez Kana qui a d'ailleurs remporté le prix Taisho récemment, donc qui met en valeur les nouvelles séries. Donc Kamakura Diary, ça parle de quatre sœurs, enfin de trois sœurs au début en fait, qui se rendent aux funérailles de leur père et qui en fait bah, l'ont jamais vraiment aimé ce père. Du coup, ça leur fait un peu ni chaud ni froid. Et arrivées là-bas, elles vont découvrir l'existence de leur demi-sœur, donc qu'elles connaissaient pas jusque-là. Et au final, cette demi-sœur va un peu les rapprocher parce que cette dernière va déménager chez elle. Du coup, bah, on va suivre le quotidien des quatre sœurs qui vivent sous le même toit. Elles sont toutes différentes parce que la petite sœur a genre 13-14 ans, du coup elle est encore au collège, alors que les autres ont déjà leur vie à côté. Donc ça s'attache un peu à tous les problèmes des adultes. Les quatre sœurs, les trois sœurs adultes sont assez différentes quand même. Il y en a une qui est très mature, qui travaille dans un hôpital, une autre qui cherche un peu encore, qui sort avec des petits jeunes et tout, et l'autre qui est un peu fofolle dans sa tête. Donc on va découvrir leur quotidien. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est vu que les sœurs sont tellement différentes, on va avoir des points de vue bah, très différents sur leur vie. Par exemple, on aura un chapitre consacré à la toute petite sœur, qui est encore au collège. Donc c'est comme si on passait dans un shoujo qui se passe dans un collège. Les grandes sœurs vont jamais intervenir, ça se focalisera juste sur elles. Du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et juste le casting des personnages est vraiment bon. Il n'y a vraiment rien à acheter, je trouve. C'est vraiment très plaisant à lire. Très bien, donc le premier tome et la série se conseille combien de tomes déjà? Pour le moment, il n'y en a pas tellement parce que ça sort assez lentement. Mais il y a de quoi lire hein, dedans, franchement. C'est un peu comme Bakuman, il y a de la lecture. Très bien. On va passer, alors on va revenir, je vais redonner la parole à Tuntun, puisqu'il va nous parler Bonjour. Salut. de Letterby. Volume 14, donc sorti aux éditions Kana. Exactement. Premier volume depuis quasiment un an. Ça fait longtemps que, ouais, qu'il n'y a pas Ouais, parce eu. que il avance. Enfin, l'auteur Hiroyuki Asada dessine relativement lentement. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi! Et qu'est-ce que c'est beau! C'est Enfin, comme les Bill Mann. couvertures. C'est Ouais. bah, les couvertures. Dedans, il y a une page dépliante totalement en couleur qui est magnifique. C'est comme Vinland Saga, parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est pareil, il dessine lentement, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Bah, je préfère justement qu'il dessine lentement Oui, et qu'il nous que livre ce des soit bien tomes de fait. cette qualité, parce que à chaque fois, je suis totalement émerveillé par ce dessin, en plus, avec l'univers qu'il a créé, c'est magnifique. Togashi, si tu nous entends. Tu C'est veux jouer à méchant. Dragon Quest, là, je pense. C'est méchant. Non, non, c'est beau, mais c'est pas constant, c'est ce que je dis en fait. Donc, D'accord. excuse-moi, je te laisse nous Oh parler non, mais il n'y a pas de mal. de l'étonne. Et donc, bah, ce tome 14, il se passe énormément de choses. C'est une fin d'arc avec la fin du combat contre le Cabernet. Et il se passe vraiment beaucoup de choses, puisqu'il y a la fin de ce combat qui est absolument épique, avec le Cabernet qui est de plus en plus grand et qui en plus apporte un nouveau visage aux insectes armures et qui est très, enfin voilà, qui est génial. Et il y a aussi Niche qui fait encore des siennes, qui apporte beaucoup d'humour à la série et qui aussi évolue légèrement et apporte encore une nouvelle dimension au personnage. Il y a le retour de Gauche Noire qui est voilà, il se passe encore plein de choses géniales. Et ça donne beaucoup d'espoir encore pour la suite de la série qui s'annonce de mieux en mieux et qui est un des meilleurs shonen de très très loin de ces dernières années et totalement atypique de ce qu'on peut trouver ailleurs, avec toujours un équilibre entre le côté aventure épique du truc et le côté émotion des lettres et des Balkers. Et donc voilà, du très très bon et toujours aussi merveilleux à lire et à regarder. Donc faut se jeter dessus absolument. Moi, je m'étais arrêté au tome 8, hein, et c'est vrai qu'il y a un côté très féerique, qui est très très agréable, même déjà l'univers en soi est très très agréable à suivre, et comme on disait, le dessin met l'histoire vraiment en valeur, quoi. Donc c'est une Voilà, belle... et il faut que tu continues. Oui, il faut absolument que je continue, parce que c'est une... C'est dommage, parce que c'est une série qui n'est pas très très connue en soi, qui n'est pas Mais je forcément... pense qu'elle marche plutôt bien chez Canard. Ah oui? Je pense, hein. Après, enfin pour une série aussi atypique, ouais, je pense qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Parce qu'il n'y a pas forcément de communication qui est faite autour, quoi. Non, Parce mais il que... doit y avoir une bonne fanbase en fait. Ouais. Parce qu'il sort, ça fait un petit moment que les premiers tomes sont sortis. Ouais, ça doit faire 6 ans, Ouais, 5-6 ans. c'est ça en effet. Bah je me permets en tant que présentateur de garder la parole pour moi-même, Oh là là. puisque Oh le chouchou. je vais vous parler de Master Keaton. Enfin, enfin, parce que ça fait un petit moment qu'on avait eu en fait l'adaptation animée qui était sortie en France aux éditions IDP. Et le manga, donc on attendait le manga, en fait, s'il y avait des problèmes relatifs à des droits. Des différents juridiques, mais tout cela est résolu puisqu'on a eu le premier tome, et en plus on a droit à la réédition, donc qui connaîtra un total de 12 tomes. Alors pour vous expliquer, donc c'est oui, j'ai oublié de dire que c'est un manga de Naoki Urasawa, donc 20th Century Boys, Billy Bat, Happy également, que Tuntun connaît et apprécie beaucoup. Bientôt la fin. Bientôt la femme. Alors moi je vais vous parler, donc c'est édité chez Kana. Alors vite fait le pitch de départ, c'est on suit en fait donc Keaton, donc qui donne son nom au manga. Donc, il s'appelle Taishi Hiraga de son prénom, qui est né en fait d'une mère et d'un père japonais. Et donc il a été diplômé donc à Oxford en Angleterre. Donc, faut savoir qu'il a plusieurs casquettes. Il est à la fois archéologue, il est à la fois ex-instructeur du SAS, donc c'est au niveau de l'armée, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est un corps d'élite dans l'armée. Et en plus d'être archéologue et d'être un ancien agent de l'armée, il est également professeur à l'université. C'est Indiana Jones, en fait, Et le... voilà, ah non, attends, justement, j'ai la comparaison ultime qui arrive après, donc dont Indiana Jones. Ah. Il faut savoir également qu'il travaille, et c'est de là qu'on va avoir tout l'intérêt de l'histoire, puisqu'il travaille également pour une compagnie d'assurance. Donc il est pas, voilà, il est là pour vérifier, pour récupérer des objets donc liés aussi à son métier d'archéologue, à cette passion de l'archéologie. Donc alors justement, tu parlais d'Indiana Jones. En fait, c'est un mélange entre Indiana Jones et MacGyver, parce que exactement, mais il se sort de situation Un avec trois fois trombone. rien, quoi. Là, il lui a, là, je suis en train de voir, il est en train de se, il se sert d'un pied de lit Un drap accroché à un pied de lit pour se sortir d'une pièce où il est enfermé. Donc c'est vraiment, il arrive vraiment à tirer le meilleur de tout ce qu'il peut avoir à côté de lui, autour de lui. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'avec Master Keaton, tu voyages. C'est-à-dire que rien que dans ce premier tome, hein, bon, c'est un tome qui est, les tomes sont épais, ils font plus de 300 pages. On va visiter, on va aller Ouais. faire un tour en Allemagne, on va aller faire un tour en Chine, en Angleterre, au Japon. Voilà, on va visiter la Grèce également, l'Italie. Donc on va vraiment voir du pays. On va aussi comprendre un peu comment fonctionne le caractère, hein, quel est le caractère de Keaton. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement sur un manga d'aventure. Parce qu'il y a notamment, il a notamment une fille. Il faut savoir qu'il est séparé, il est séparé de sa mère, mais il n'est pas de sa mère, pardon. De sa femme, excusez-moi. C'est totalement différent. Il est séparé de sa femme, mais ils ne sont pas vraiment divorcés. Donc sa fille fait tout, fait le forcing pour qu'il la retrouve. Sauf que lui, il est souvent parti à l'étranger pour ses affaires, pour son métier. Et on a des situations qui sont. Alors, c'est pareil. J'aime beaucoup en fait ce type de manga parce que ça c'est intéressant pour tous les gens qui vont être curieux. C'est-à-dire que on va visiter un pays, on va visiter un peuple, on va rencontrer un peuple, pardon. Et du coup, ça va nous donner envie par rapport aux informations qui nous sont données, ça va nous donner envie de creuser par rapport à leur histoire, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la langue qu'ils pratiquent, voilà. Et il y a vraiment un intérêt, bah, même pour quelqu'un qui ne lit pas le manga, même pour quelqu'un qui ne lit pas la bande dessinée en général, il y a un côté qui va être très très très très, très sympathique, qui rend le héros et l'histoire très sympathique. C'est tout, voilà, c'est tout ça, c'est toutes les péripéties que va nous offrir Urasawa sur Master Keaton, quoi. Donc c'est vraiment un must-have, mais vraiment, parce que c'est un vrai manga d'aventure. Alors c'est très typé années 90 quand même au niveau du dessin, même fin 80, pardon. On sent qu'Urasawa il a du talent, mais il n'est pas C'est un petit encore. jeune qui va réussir. Voilà, on sent que voilà, il y a. S'il continue comme ça, il va faire de très belles choses. C'est un de ses premiers mangas. Bah, il avait Bah... déjà une. Je crois que Yawara était paru avant, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il y avait déjà quelques mangas avant ça, mais c'est son premier. Enfin non, ouais, Yawara, c'est déjà un gros succès, mais c'est son premier très très gros succès, je crois. C'est-à-dire que Yawara, c'était sur le judo. Là, on est sur un thème qui est quand même plus universel. Qui va intéresser plus de monde. Yawara d'ailleurs qui n'est pas édité en France, hein, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, bah, par rapport, pour revenir au trait, alors le trait est quand même. On sent qu'il y a un potentiel énorme. Il y a un très gros travail sur les décors. C'est très très agréable, du coup. Il y a un vrai impact du décor sur l'image et sur l'histoire. Après, au niveau des personnages, on sent que le trait n'est pas encore sûr, en fait. Les visages sont un peu anguleux, pas du tout anguleux, excusez-moi. Ils sont un peu arrondis, peut-être un peu trop arrondis par rapport justement à ce qu'on va trouver sur un Billy Bat, sur un Monster, sur un 20th Century Boys. Mais voilà, ça reste un dessin qui est très joli à regarder. Et même son style de dessin se rapproche. Bah, c'est un mangaka évidemment, mais il se rapproche un peu de ce que peut proposer la bande dessinée occidentale, si on peut dire. Voilà, que dire de plus que c'est. Il y a 300 pages, c'est 15 euros, donc c'est un peu cher, mais finalement le rapport qualité-prix est excellent. Il y a des pages couleurs dedans. Il y a des pages couleurs, alors il y a des pages couleurs au début, il y a des pages couleurs aussi au milieu. Bon, il y en a quelques-unes, mais ça rend vraiment très très bien. C'est un peu le même principe, les mêmes. Comment dire, la même couleur utilisée pour les rééditions de City Hunter. Je sais pas si tu vois le côté un peu. un peu rose, Ouais, mais ouais. qui est très très agréable à regarder. Donc c'est voilà, c'est un manga qu'il faut absolument lire, qu'il faut je vous conseille au moins d'acheter le premier tome pour vous faire une idée, ou de le bouquiner en magasin, mais on a attendu 2013 pour l'avoir, mais je pense que le résultat reste toujours aussi intéressant à regarder et à lire. Donc c'est Master Keaton, disponible également en animé chez IDP. On peut trouver d'ailleurs le coffret doit être disponible à très bon prix maintenant. Donc c'est édité chez Kana dans le label Big Kana. Et il y aura des tomes, si ce n'est pas tous les mois, ce sera tous les 2 mois. Mais c'est très très rapproché en termes de. Bah c'est tous les 2 mois, ouais, en termes de Et il y a sortie. combien de tomes en tout? Alors dans cette édition-là, il y a 12 tomes. Ok. Donc 12 tomes de 322 pages, ça laisse Ah, plus de ça prend de la 30. place, hein, quand Ça même. prend, ouais, ça prend de la place. C'est ouais, c'est comme Monster Deluxe. C'est gros. Ouais, c'est gros, ouais, tout à fait. Et Monster, ça faisait combien de tomes au total? La Deluxe, ça fait 9 tomes, je crois. D'accord. Et bah le double. Ouais, 18 tomes, ouais, Si, pour. ouais, si je dis pas de bêtises, c'est 18 pour l'édition originale. Ils sont originales, tout à fait. Bah voilà, alors on va terminer. Alors on va laisser la parole à Tuntun, ce dévoreur de manga de l'extrême. Bonjour. Bourgeois, ouais. Donc, on va parler d'un manga édité chez Pika Édition, qui s'appelle. Alors la prononciation, c'est comment? C'est My Way? My My Way? Way. My Way? Moi je dis Tome My Way. 5. My win. Non, non, non. Bon, très bien. Non, non. Donc voilà, tu nous en as parlé. Donc c'est chez Pika Édition. C'est un format un peu plus gros que ce que propose Pika, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Oui, c'est Donc un gros format, ouais. voilà. Bah, C'est du, je sais plus combien. tu vas nous dire, est-ce que ça vaut le coup d'être lu? Bah oui, c'est quelle question. Si j'achète, c'est que c'est forcément bon. Et On n'en voilà, parlerait pas sinon. exactement. Non, donc déjà, ça fait presque un an depuis l'apparition du dernier tome. Parce que c'est une série qui se vend absolument pas, et du coup, Pika publie un tome par an, et voilà, jusqu'à aller à 11 tomes, donc dans 6 ans, on aura fini la série. Et donc, My Way, c'est dessiné par Minetaro Mochizuki, donc on connaît principalement pour son autre excellente série Dragon Head. Et Et donc l'histoire, c'est une histoire de pirates. je pensais que tu avais cité la dame de la chambre close. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai oublié de le citer. Et la dame de la chambre close, un one shot que j'ai lu très récemment et qui est excellent, sous les conseils de Romain. Voilà. Rendons à César. C'est ça qu'il voulait que je dise en fait. Exactement. Et donc My Way, c'est une histoire de pirates modernes à la recherche d'un trésor perdu. Et c'est excellent. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast il y a longtemps, mais je me souviens plus, donc on peut en reparler. Et donc, non, voilà, il y a beaucoup de personnages très forts. Là, dans le tome 5, il y a donc la bande de lycéens qui sont partis, qui ont pris un bateau à moteur un peu pérave, enfin un truc un peu de vacances, quoi, pour aller en plein milieu de la mer affronter un espèce de triangle des Bermudes. Je sais plus si c'est le triangle des Bermudes ou considéré comme tel. Mais et voilà, ils partent du Japon pour aller dans l'océan Atlantique. Donc ils passent par Panama, tout un périple avec plein de choses. On est dans une sorte de huis clos en fait, parce qu'on ça se passe toujours sur le bateau, sur ce petit bateau où ils sont tous les quatre. Il y a quelques apartés avec les pirates qui partent eux aussi à la recherche de ce fameux trésor. Et voilà, donc il y a ce huis clos qui est toujours Hein, qui est très sympa à suivre. Il y a pas mal d'humour, de très bons personnages. Le dessin toujours atypique de Minetaro Mochizuki. Et voilà, on avance bien dans l'histoire. On se rapproche petit à petit du trésor. On découvre de nouvelles motivations ou de nouvelles facettes de certains personnages. Et c'est excellent à suivre et je le recommande très fortement. Yeah, donc c'est My Way. My way, my My way. Way. De toute façon, on n'en parlera pas avant l'année prochaine, je crois. Donc, Oui, non. À mon avis, oui, ce sera pas avant 2014, le prochain tome. on aura un an pour s'exercer sur le jeu. Donc c'est édité chez Pika Édition. C'est quel montant par tome? PK14. c'est 13 euros. 13 euros, d'accord. 13 euros d'ailleurs, ils l'ont un peu augmenté parce qu'au début, je crois que c'était 10 ou 11 euros, C'était il me pas assez semble. cher, c'est pour ça. Et bah non, C'est pour mais ça que ça c'est vrai marchait pas, c'était pas assez que cher. en fait, ça se vend, vu que ça se vend absolument pas, Ouais. et ils se sont dit, bah le peu qu'on va en sortir, on va peut-être augmenter le prix. Faut qu'on marche, quoi. Faut qu'on marche à Mais mort. c'est un assez grand format et l'édition est très correcte de la part de Pika. Très bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour, hein, Oui. Oui. de ce que l'on a pu déjà de ce qu'on a pu vous conseiller, parce qu'il y a quand même finalement beaucoup de choses. Si vous deviez en retenir qu'un là comme ça, un manga sur les sorties de C'est mars pas et avril. facile, hein. Ouais, c'est dur à choisir. Le... Bah, je vais y aller si tu veux. Vas-y. Moi, ça joue entre Kamakura Diary et Chiaia Fulu. Moi, je mettrais ma préférence pour Letterby parce que ça fait longtemps qu'on a eu un tome. Même si Bakuman 14 est pas très loin. Bah, moi, Silver Spoon T'as pas 2. le choix de toute façon. T'en as plus que deux. Alors, si, non, parce que je me rends compte, Ah, il y a finalement, après Kitan coup, que aussi. j'ai lu, Ah mais oui. ça fait un petit moment, Trois mangas. Bi Bad 6, totalement zappé. Ah bah voilà. Mais Tu vois, on aurait pu en parler. on aurait pu en parler, mais je sais même plus ce que ça raconte parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et je l'ai pas avec Bah moi bravo. aussi, parce que je l'ai prêté Je l'ai pas sous la main non plus. pour propager la bonne parole. Il faut lire Bi Bad. Parce que d'ailleurs, c'est Urasawa aussi qui le dessine. Donc il Ouais, faut mais lire je me souviens sans. qu'il était très bien et que ça avançait vraiment bien dans l'histoire et que notamment une rencontre entre deux personnages, Tout à Oswald fait. et l'auteur. Et... Oui, et puis on retrouve, il y a une imbrication aussi avec des personnages qu'on avait vus auparavant, notamment en lien avec un conducteur de taxi. Oui. Et d'ailleurs, je me permets juste pour finir là-dessus, donc je voudrais remercier quand même Pika de proposer, donc il l'a fait avec Chiaia Fulu, mais aussi avec Billy Bat en proposant un magnifique Ex Libris. Ouais. Donc c'est sans augmentation de prix en plus. Donc Et c'est. limité à 3000 exemplaires. Ouais, limité à 3000 exemplaires, mais Mais disponible partout en France. je m'en fous, j'en ai Moi aussi. Voilà. Comment ça raconte? Non, mais il est vraiment. Non, mais c'est vraiment sympa d'avoir ce type de L'Ex produit à Libris, BD. en plus, c'est une planche de Billy Bat, l'œuvre dans l'œuvre. Couleur. Hein. Couleur et en anglais. Donc voilà, c'est sur ces félicitations du jury pour Pika que nous allons vous laisser et que l'on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, quel que soit le moment à laquelle vous écoutez Nous, ça va être ce. bonne nuit là parce que Ah oui, mais ce sera bonne nuit. il est Il y en a, ils ont tard. des révisions. révisions, exactement. Putain, ah là là. Et voilà. Mais il ira des mangas Pour oublier. pour décompresser, Pour oublier, voilà. oublier. C'est son alcool. Sa drogue à lui. Voilà, donc on vous dit de toute façon, pour le bilan, on refera la même chose pour le bilan de mois de mai-juin, Ah bah évidemment. qui s'annonce Évidemment. tout autant riche, parce que déjà le début mai était déjà extrêmement riche, sur les sorties. Voilà, à bientôt, au revoir. Au revoir. Salut!